1. La plus grande décoration murale en matériaux recyclés du monde, 720 mètres carrés, des kilos de canettes de soda, tuyaux, pièces détachées de voiture. 2. La plus longue sculpture en allumettes du monde, 5500 euros, 32 000 heures de travail, 6,40 m de long. 3. Le plus long concert d'accordéon. 35 heures, 32 minutes. L'artiste ne pouvait ni s'arrêter plus de 30 secondes, ni improviser des chansons. Tout ce qu'il a joué était des morceaux connus. 4. La plus grande mosaïque composée de pinceaux de peinture du monde, 230 000 pinceaux disposés pour représenter Michael Jackson après sa mort en 2009.